Salut, c'est Jackal, bienvenue dans l'émission Hot Rods sur le www.radio-webpassion.org. Tous les mercredis de 18h à 20h. Au programme ce soir, 2 heures de pur son 70s. Ça a commencé direct avec les Kiss et Cold Gin, un titre de 1974, comme on est en février. On ouvre toutes les émissions avec les Kiss. Avec à 19h un spécial rock français, alors on attache sa ceinture, on passe la première, et on fait quoi après? On accélère! Voilà, c'était AC/DC avec Dirty Eyes, extrait du coffret Bonfire. Il s'agissait en fait, parce que j'en vois qui font les gros yeux là, j'en connais au moins 2-3 qui m'ont dit « Mais c'est quoi ce truc ?» En fait, c'est la première version de Who Lotta Rosie. Voilà, elle vient de 1976. Alors pourquoi un AC/DC pour continuer après le Kiss? Bien parce qu'il y a 40 ans, jour pour jour, le 19 février 1980, Bon Scott disparaissait tragiquement après une soirée londonienne un peu trop arrosée. Alors histoire de rendre hommage au bonhomme, j'ai décidé de passer 2 titres d'AC/DC, donc celui-ci, Dirty Eyes, et puis on va continuer dans les curiosités et dans les petites surprises avec une... tiens, je vous laisse découvrir, ça s'appelle Backseat Confidential, vous allez peut-être reconnaître la chanson. We'll be right back. Back Seat Confidential, première version de Beat Around the Bush de AC/DC, chantée par Bon Scott. C'était ma petite façon à moi de rendre hommage à ce monsieur. On va maintenant mettre les deux pieds sur le frein, mais pas trop quand même. On garde quand même les deux doigts connectés dans la prise de courant. Et on s'envoie ça. My hand, child, come with me. It's to a castle I will take you. Well, what's to be, they say, will be. I guess the wind says, been sail away, leave the day way up high in the sky. And low, but the wind won't blow. We really shouldn't go. We're holding up the show. Say to me tomorrow, oh, what fun it all would be. Then what's to stop us, pretty baby? But what is and what should never be? I can't go in and see it been sailed away. Leave the day away. Thank you. Led Zeppelin, tout le monde a reconnu la douce voix de Robert Plant, avec le titre « What is and what should never be » sur l'album Led Zeppelin 2, 1969. Allez, on va se mettre maintenant dans les oreilles une... comment on pourrait dire... un groupe pas très connu qui s'appelle Geronimo. Et la chanson, c'est « Sunday Child ». Et c'est sorti en 1971. Geronimo Sunday Child, 1971. On continue à naviguer dans ma petite playlist que j'ai concoctée spécialement pour vous ce soir. Avec un grand monsieur du rock'n'roll, décédé également, celui-là aussi. Il s'agit de monsieur Lou Reed et j'ai choisi de vous faire écouter une chanson de son album Transformer, 1972. Et il s'agit du titre Vicious. On continue toujours dans les grands bonhommes et les grands monsieur du rock'n'roll et des années 70 avec Mr. Iggy Pop. On va s'écouter The Stooge avec le morceau I Wanna Be Your Dog. now I'm ready to feel your hand. To lose my heart on the burning sand. And now I wanna be your dog. And now I wanna be your dog. And now I wanna be your dog. Well, come on. No, I wanna be your dog. C'était les Stooges, Iggy Pop, en direct donc sur Hot Rods, www.radio-webpassion.org. Allez, on continue tout de suite et maintenant, et pas tout à l'heure, mais tout de suite maintenant, avec une petite, pas une petite nouveauté, mais une petite news quand même de la part de Bruce Springsteen. Le boss vient de sortir le 14 février, donc si je me trompe pas, c'était vendredi dernier, le troisième volet de la série The Live Series, donc Song Under Covers, qui fait suite à Song of Love et Songs Around the World, paru chacun en 2019 et regroupant 15 titres, 15 reprises d'artistes allant des Beatles à The Clash en passant par Prince ou même AC/DC et bien d'autres encore. Alors ce que je propose ce soir, non pas d'écouter un extrait de cet album puisque on n'est plus du tout dans le thème de l'émission qui est les 70, mais par contre d'écouter extrait d'un live de 1973, enregistré à Max Kansas City Night. Il s'agit de Rosalita et de Monsieur Bruce Springsteen. Come cut loose her ship on range. You know playing blind man's bluff is a little baby's game. You pick up little dynamite. Oh, I'm gonna pick up little gun. And together we're gonna go out tonight and make that highway run. And you don't have to call me Lieutenant Rosie, and I don't wanna be your son. The only lover I'm ever gonna need is your saw sweet samurai tongue. Rosie, you're the one. Oh, dynamite's in the belfry, baby, playing with the bats. Little gun downtown in front of Woolworths, trying out his attitude on all the cats. Papa's on the corner, waiting for the bus. Mama, she home in the window, waiting up for us. We'll be there in that shell and they wrestle on the stairs, cause you know we ain't gonna come. I'm not here on business, Rosie. I'm only here for fun. And Rosie, you're the one. Rosalita, come a little lighter. Senorita, come sit by my fire. I just wanna be your lover, not no liar. Rosalita, you're my soldier. Check the and weak knee Willie, don't you know they're gonna be there? Sloppy Sue and Big Bone Billy, they'll be coming up for air. We're gonna play some pool, skip some school, act real cool, stay out all night, it's gonna feel alright. So Rosie, come out tonight. Rosie, come out tonight. Cause windows are for cheaters, chimneys for the poor, closets are for hangers, winners use the doors, so use them. That's what they're there for. Rosalia, jump a little lighter. Senorita, come sit by my fire. I just wanna be your lover, I'm no liar. Rosalita, you're my story. She don't like me cause I play in a rock and roll band. And I know your daddy, he don't dig me, but he never did understand. Papa lowered the boom and locked you in your room. I'm coming to lend a hand. I'm riding for liberation, confiscation. I want to be your man. Someday we'll look back on this and it will all seem funny. But now you're sad, your mama's mad, and your papa says he knows that I don't have any money. Your papa says he knows that I don't have any money. So your papa says he knows that I don't have any money. This is his last chance to get his daughter in a bad romance. Rosie, the record company, just gave me a big advance. And my tires were slashed and I almost crashed, but the Lord had mercy. My machine, she's a dud. I'm stuck in the mud somewhere in the swamps of Jersey. Hold on tight, stay up all night. Rosie, I'm coming on. By the time we meet the morning light, I will hold you in my arms. I know a pretty little place in Southern California, down to San Diego way. There's a little cafe where they play guitar all day. You can hear them strumming outside my baby dancing. is humming, and everybody's saying, oh, Rosalita, Senorita, come sit by my fire. I just wanna be a lover, my lowrider. Rosalita, you're my stoner. C'était le boss avec Rosalita, enregistré en live à New York City en 1973. Allez, on continue avec toujours un petit Deep Purple, tiens, pour continuer, Woman from Tokyo, et puis on enchaînera directement avec Everybody's Gonna Live de Monsieur Arthur Lee sur l'album Vindicator. Il dort le gros con. Et il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Everybody's gotta live. And everybody's gonna die. Everybody's gotta live. I think you know the reason why. Sometimes I go and get so good that it gets pretty rough. But when I have you in my arms, yesterday, baby, he couldn't hardly tie his shoe. He had a harmonic and a guitar strapped around his neck, and he sure could play the blues. She said, if you're with me, I'll never go away. That's when I stopped and I took another look at my baby. She said, if you're with me, I'll never go away. Because everybody's gotta live. And everybody's gonna die. Everybody's gotta have a good time. I think you know the reason. The other night, baby, I dreamt that I was all alone. But when I woke up, I took a look around myself, and I was surrounded by 50 million strong. Arthur Lee sur l'album Vindicator, Everybody's Gotta Live. On va clore cette première heure avec un kiss, comme on fait depuis le début du mois, double kiss, puisque c'est le mois kiss. Et comme c'est un double kiss, on va l'appeler Deuce, et ce sera le titre Deuce qui va passer maintenant sur l'antenne. Le temps pour moi de recaler le cartouchier pour mettre toutes les musiques sur le rock français. On se retrouve d'ici 3-4 minutes à l'antenne pour parler de rock français. Et puisqu'on en est à parler de rock et de français, je tiens à vous signaler que demain, nous serons donc le 20 février, et le groupe Barricade, donc un groupe de Blois, jouera sur le pavis de la Halle aux Grins, à Blois, à partir de 16h30. En solidarité avec les grévistes. Voilà. Donc, ils vendront leur CD. Le CD sera à 10 euros. Et sur ces 10 euros, 5 euros seront reversés à la caisse de la grève. Alors, si vous ne les voyez pas demain, les Barricades à Blois, vous pourrez toujours les voir, il me semble, qu'ils passent le 1er mars à la Java Pop à Orléans. C'est un dimanche et c'est à 21h. Voilà, de retour après les Kiss pour parler maintenant de rock 100% français. Alors, la France est et restera toujours un pays à part dans le monde du rock, avec des groupes qui connaissent ou ont connu une carrière nationale, mais très peu ont eu la reconnaissance internationale. Pour bien comprendre ce qui va suivre, remettons-nous dans le contexte de l'époque, musicalement, je veux dire. Après les années 60, période yéyé, âge tendre, tête de bois, des chansons de copains, d'amour, ou des reprises de, en français, de hits anglo-américains. On a tous en tête ce genre de choses, les chats sauvages, les chaussettes noires et autres consorts. Les années 70 en France, c'est l'âge d'or de la variété française. Des shows de Mariti et Gilbert Carpentier le samedi soir. L'époque où pour chanter, fallait quand même s'appeler Michel. Il faudra attendre la fin de la décennie pour voir l'émergence de ce qu'on pourrait appeler le rock français, traduisant une certaine colère, voire même une révolte. Alors ce n'est pas le néant non plus, hein. Certains ont même eu leur heure de gloire, je pense notamment à Ange, à Magma, Martin Circus, au Bonheur des Dames, les Variations, et puis d'autres sont tombés dans l'oubli. Mais grâce à la magie d'Internet, nous pouvons désormais avoir accès à ces petites pépites éphémères. Voici donc un rapide panorama de ce qui existait à l'époque, un témoignage non exhaustif de cette décennie, marqué par une empreinte plutôt rock, progressif et jazz-rock. J'ai volontairement occulté la scène rock 77, des gens comme Bijou, Star Shooter, Téléphone, etc. La scène normande, alors qu'elle soit du Havre ou de Rouen, avec les Little Bob, les Dogs, les Oliver Stein, j'en passe et des meilleurs. Ou alors encore Trust, qui sera plus populaire dans les années 80, notamment grâce à leur succès antisocial. Car il sera toujours possible que je leur consacre une émission à part entière. C'est également un choix de ma part d'avoir mis de côté les artistes émergents comme Jacques Higelin, Hubert Félix Thiéfen, Gérard Manset, Alain Bachung, Bernard Lavillier, Renaud, entre autres, hein, il y en a encore plein d'autres. Car ils sont plus représentatifs pour moi d'une nouvelle vague de variété française, bien qu'ils aient quand même l'esprit rock. Allez, assez parlé maintenant, place à la musique. We'll be right back. une attaque tout en douceur avec le groupe Scrivania et le titre Le Château d'Orphée, un titre de 1978. Voilà, le Scrivania est un groupe de la région parisienne, d'Orsay exactement, qui a été actif de 1975 à 1978 et qui a sorti un album. Petite douceur donc pour débuter cette deuxième heure. Allez, on continue, on va se passer deux petites curiosités, je vous les présente juste après. Ta vie s'écoule comme ça, bêtement, seconde après seconde, jour après jour, les ans suivant les ans. Ta vie s'écoule et tu restes là, bêtement, sans rien faire et sans rien changer, te nourrissant d'habitude de CBT, de ragots putrides et de mots salis, de cloisons corrompues et de charmes mal vendus. Tu dis que tu aimes ça, ta vie s'écoule et tu dis ça va, bêtement, sans rien crier et sans jamais pleurer, regardant sans les voir des morceaux de mori, des pouvoirs qui s'achètent, des gosses qui ont faim, et des gens qui se tirent dessus, parce qu'on leur dit de se tirer dessus, parce que les autres sont les ennemis, c'est-à-dire l'abomination. Et tu dis que tu aimes ça, ta vie s'écoule et tu vis comme ça, bêtement, les yeux fuyants et la tête vide, sans jamais penser autrement que comme on t'a dit de penser. Tu construis ta villa autour de ton petit terrain et tu vas au chagrin tous les jours pour que ton patron puisse dire que tu l'engraisses bien. Et tu dis que tu aimes ça, ta vie s'écoule et tu meurs comme ça, bêtement, tout seul dans un lit, bien dans ta voiture, et sur ton corps encore chaud, les chats que tu aimais viendront pisser. Le cadre te mettra dans la terre, le curé dira si tu l'es, et puis il aborde un coup avec son ami, le fossoyeur. Et on oubliera ton visage et ton nom, et tu n'existeras même pas dans l'éternité. Bien longtemps, lors de la création du monde, Dieu avait dit à l'homme : tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et l'homme ne voulut point se plier aux exigences de Dieu. Il imagina, inventa et conçut des appareils pour qu'ils le servent en toutes circonstances, et même des cerveaux électroniques pour qu'ils pensent à sa place. Cependant, l'homme travaille toujours. Dieu avait dit à l'homme : tu ne tueras point. Là encore, l'homme ne voulut point obéir. Révélant sa nature immonde et abjecte, il imagina les pires moyens pour tuer de plus en plus vite et de plus en plus loin jusqu'à la bombe pour détruire en masse. Et pourtant l'homme existe toujours. Dieu avait dit à l'homme : la liberté d'autrui tu respecteras, et là encore l'homme ne voulut point obéir. Il inventa l'attelage pour réduire le cheval en esclavage et exploita avec cupidité ses frères d'une race différente. Il instaura même les guerres pour asservir les peuples entiers. Et pourtant l'homme se dit libre. Et Dieu avait dit à l'homme, je te donne la terre, et l'homme ne s'en est pas contenté. Il conçut les engins les plus énormes pour s'élever dans les airs, et construisit dans sa soif de grandeur des fusées les plus diaboliques pour asservir l'univers entier. Alors Dieu châtia l'homme. Alors Dieu châtia l'homme. C'était le groupe Bérénice, un groupe mythique et météorique qui n'a sorti qu'un seul 45 tours en 1970, et c'était celui-là. Et juste avant, on a écouté un groupe qui s'appelait Après la pluie, et le titre Bêtement. Deux chansons qui se ressemblent, parce qu'ils parlent un petit peu de la cupidité de l'homme. Voilà, donc c'était deux petites curiosités des années 70 que je voulais vous faire découvrir. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Caméléon, je hurle que je t'aime. Face B du seul et unique 45 tours sorti, Le chemin de la descente en 1971, un groupe de Paris. Maintenant, on va rester à Paris d'ailleurs, et on va écouter un groupe qui s'appelle XY et Z, un seul et unique 45 tours également sorti, mais sous ce nom. Ils deviendront un tout petit peu plus tard Century, le temps de 3 45 tours, entre 1970 et 1972. On va écouter la phase B du 45 tours Osaka, sorti en 1970, et le titre s'appelle The Days Are Passing. Direction Lyon maintenant avec Chico Magnetic Band et le titre Fantasme. Il s'agit d'un groupe qui a sorti 3 45 tours et 1 33 tours. On va écouter la phase B de leur troisième EP qui s'appelait Girls of Ocean. Il est sorti en 1972. Must be mute. Please try to hear what you do. Chico Magnetic Band Fantasme. On retourne à Paris, on était à Paris tout à l'heure, on est retourné à Lyon, on retourne à Paris, on va aller écouter le groupe Dynasty Crisis avec le titre Schizomania, un groupe qui a été actif de 1969 à 1974. Ils ont sorti 9 45 tours et 2 33 tours. On va écouter la face B de Je suis l'homme, donc Schizomania, sorti en 1973. Il est temps maintenant de passer à un groupe un tout petit peu plus connu, le groupe Triangle. Alors ça parle peut-être pas à tout le monde, mais ça parle à certains. On va écouter le titre « Peut-être demain », donc un titre de 1970. C'est un groupe parisien qui a été actif de 1967 à 1974. Ils ont sorti 3 33 tours et 12 45 tours. Donc voilà, on s'écoute maintenant et tout de suite Triangle et « Peut-être demain ». Thank you. groupe Trust. Alors pas le groupe qu'on connaît avec Antisocial. Non, pas eux. Un autre groupe, début des années 70, même en 1970, un groupe avec Jean Schultes au clavier. Jean Schultes, l'interprète inoubliable de Confidence pour Confidence, qui aura son petit succès dans les années 80. On va passer maintenant à un groupe de, toujours de Paris, un groupe qui s'appelle Ulysse. Et la chanson s'appelle « Retourne chez ta mère ». C'est la face B du 45 tours Le Funambule. Ça a été sorti en 1975. Alors ça part pas. Donc ce sera Blues Convention avec l'aveugle. Et je recale Ulysse juste après. Voilà, petit problème technique avec Ulysse. Voilà, Ulysse est revenu. Retourne chez ta mère, 1975. Effective. Retourne chez ta mère, Ulysse. Il a bien voulu partir ce coup-ci. On continue avec un groupe qui s'appelle Xal Biblos. Et tout de suite, on écoute un titre qui s'appelle French Progressive Zeul. We'll be right back. Voilà, c'est un morceau un peu fou, qui part un petit peu dans tous les sens et qui vous met la tête un petit peu en vrac. On ne sait plus où on est une fois qu'on a écouté ça. C'était Exhal Biblos. Le rock en France, donc vous l'aurez bien compris, dans les 70s, ne se résume pas uniquement à ces quelques groupes qu'on a écoutés ce soir. En préparant cette émission, j'ai pu découvrir plein de choses aussi intéressantes les unes que les autres. Je savais même plus où donner de l'oreille à un moment, mais je pouvais pas tout programmer. Il a fallu donc que je fasse un choix. Classe la tienne, il y aura d'autres émissions consacrées à ce thème, bien évidemment, parce qu'il y a encore de la matière. Il est l'heure maintenant de se dire au revoir, donc n'oubliez pas que mardi prochain à 17h30, vous avez votre dose de Only Rock hebdomadaire avec l'excellent, le néanmoins excellent Fabien Dumas, pardon. On se quitte avec un petit variation, donc un groupe phare des années 70 en France, parce que c'est un des groupes qui a le plus marché. Les variations avec un titre qui s'appelle « Je suis juste un rock'n'roller ». Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Si l'émission vous a plu, bah dites-le, hein, vous avez la page Facebook pour ça, donc Hot Rods. Si elle vous a pas plu, dites-le quand même, on peut toujours s'améliorer, il y a toujours des choses à faire. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Il est 20h. Bonne soirée.